aigle. Après un long article descriptif dû au naturaliste Daubenton, Diderot ajoute un paragraphe. L'aigle est un oiseau consacré à Jupiter, du jour où ce dieu, ayant consulté les augures dans l'île de Naxos sur le succès de la guerre qu'il allait tantôt prendre contre les titans, il parut un aigle qui lui fut d'un heureux présage. On dit encore que l'aigle lui fournit de l'ambroisie pendant son enfance et que ce fut pour le récompenser de ce soin qu'il le plaça dans la suite parmi les astres. L'aigle se voit dans les images de Jupiter, tantôt au pied du dieu, tantôt à ses côtés et presque toujours portant la foudre entre ses serres. Il y a bien de l'apparence que toute cette fable n'est fondée que sur l'observation du vol de l'aigle qui aime à s'élever dans les nuages les plus hauts et à se retirer dans la région du tonnerre. C'en fut là tout autant qu'il en fallait pour en faire l'oiseau du dieu du ciel et des airs et pour lui donner la foudre à porter. Il n'y avait qu'à mettre les païens au train quand il fallait honorer leur dieu. La superstition imagine plutôt les visions les plus extravagantes et les plus grossières que de rester en repos. Ces visions sont ensuite consacrées par le temps et la crédulité des peuples. Et malheur à celui qui, sans être appelé par Dieu au plus grand et périlleux état de missionnaire, aimera assez peu son repos et connaîtra assez peu les hommes pour se charger de les instruire. Si vous introduisez un rayon de lumière dans un nid de hibou, vous ne ferez que blesser leurs yeux et exciter leurs cris. Heureux cent fois le peuple à qui la religion ne propose à croire que des choses vraies, sublimes et saintes, et à imiter que des actions vertueuses. Telle est la nôtre, où le philosophe n'a qu'à suivre sa raison pour arriver au pied de nos autels.